Les nuits de France Culture, la nuit des fantômes. Nuit commencée à minuit, comme il se doit, en compagnie de Caroline Callard, auteure du Temps des fantômes, spectralité dans l'âge moderne, de l'âge moderne, 16e, 17e siècle, publié chez Fayard. Nuit poursuivie par une rencontre avec quelques fantômes un peu snobs, puis par l'écoute, toujours effrayante, d'une adaptation du roman de Gaston Leroux, Le fantôme de l'opéra. Puis par une émission d'Amaury Chardot, métronomique des esprits frappeurs à Uri Geller, histoire du paranormal. En milieu de nuit, Clélia Zernik et Éric Zernik sont venus nous présenter quelques figures fantomatiques et cinématographiques. Ils publient L'attrait des fantômes chez Yellow Now. On suivit d'autres rendez-vous avec d'autres fantômes, Le monde insolite, fantômes et tourisme en Angleterre, et à l'instant cet angoissant tour d'écrou de Henry James. Alors les fantômes sont donc chez eux cette nuit sur France Culture, mais pour une grande part ce sont des fantômes étrangers. Ainsi tout à l'heure nous allons même fréquenter le fantôme de Canterville, création d'Oscar Wilde. Alors est-ce que la France serait une terre inaccueillante pour les fantômes? Ce n'est sans doute pas votre avis, Antonio Augusto. Bonsoir d'ailleurs, bon Antonio Bonsoir, Augusto. Alors vous qui publiez aux éditions de L'Opportun, La France hantée, sous-titré Les aventures d'un chasseur de fantômes. Alors, c'est en France? Le livre décrit les 15 dernières années que j'ai passées à vagabonder en Europe, mais principalement en France, pour, on va dire, s'acoquiner avec la réalité ou la fiction qui se cache derrière le mot fantôme. Parce que c'est vraiment une question qui résonne chez tout le monde. Est-ce qu'on y croit ou est-ce que l'on n'y croit pas? Qu'avez-vous décidé vous-même? J'ai décidé que la question la plus sage, c'était de rester au milieu, car croire et ne pas croire sont deux solutions égales qui empêchent toutes deux de réfléchir. Alors vous avez croisé des fantômes? Je ne pense pas qu'on puisse croiser des fantômes, on peut se heurter à eux non plus? Voilà, on peut se heurter, c'est un mot qui convient bien. Je dirais que les fantômes, on les aperçoit plus que l'on ne les voit. Et on essaie de les écouter plus que l'on ne les entend. Alors qu'avez-vous fait? Comment pratiquez-vous et depuis quel âge? Alors, je pratique depuis 2005, ce qui, d'un terme populaire, on dit chasseur de fantômes. C'est une chasse aux fantômes. Mais ça ne nous dit pas votre âge, l'âge auquel vous avez commencé. Alors, j'ai commencé à 22 ans. Mmh. Voilà, et j'en ai aujourd'hui bientôt 36. Ah oui, donc c'est pas lié à des histoires lues dans votre enfance ou adolescence? Alors, durant mon adolescence, J'ai toujours été attiré par ce monde un peu étrange du paranormal ou romanesque sur les fantômes, sur la vie après la mort. Et c'est vrai qu'avec mon frère, nous avons commencé tout d'abord par un intérêt du patrimoine français. Et on était parti du postulat que c'est étrange puisque en France, la mort est sacralisée et les fantômes ne font pas vraiment partie, sont pas vraiment accueillis dans l'histoire des lieux que l'on dit hanté. Et on a commencé tout simplement avec notre sac de couchage, des livres, à dormir dans des ruines, hantées autour de chez nous. Alors bien sûr, je ne le conseille à personne parce que c'est interdit. Il faut savoir aussi que les lieux, ils ne sont jamais abandonnés, soit ils appartiennent à un privé ou au domaine public. Mais dans tous les cas, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, on s'est pris d'intérêt à travers la lecture. Vous parliez tout à l'heure le tour d'écrou. C'est un des livres qui vous a marqué? C'est un des livres qui nous a marqué. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre. En tout cas, c'est un livre qui a suscité un intérêt pour se dire est-ce que l'on peut demain imaginer aller, entre guillemets, chercher la réalité sur des lieux dits hantés? Est-ce que demain, nous, à travers les... Puisqu'il n'y a pas d'école, je vais dire, de chasseurs de fantômes ou d'enquêteurs du paranormal. Il n'y a pas d'école là-dessus. Mais est-ce que à travers les livres, à travers les ouvrages scientifiques, à travers les légendes, à travers les archives, les témoignages, est-ce que demain, on peut imaginer devenir un type d'enquêteur particulier? Et cela se faisait aux États-Unis. Et puis, nous nous sommes bien sûr inspirés de cette démarche, mais à la grande nuance, c'est que nous avons décidé d'aller sur les lieux pour démystifier les histoires, afin de mettre en lumière s'il y a vraiment quelque chose de paranormal. C'est-à-dire qu'on est parti du postulat qu'il était plus sage et plus précautionneux de d'abord montrer ce qui est explicable, ce qui est naturel, ce qui est rationnel, Et puis ensuite, si on tombe sur quelque chose qui est étrange ou que l'on ne peut pas expliquer, alors là, on se pose des questions, on émet des hypothèses. C'est vraiment une démarche, entre guillemets, scientifique. On n'est pas des scientifiques, mais c'est vraiment cette approche. Mais c'est peut-être une astuce, Anthony Augusto, aussi, de dire, a priori, je n'y crois pas, mais finalement, peut-être, si ça se trouve, je vais finir par y croire. On n'a jamais pensé de cette manière en tant qu'astuce ou pour se dédouaner. Pas du tout. Je pense simplement que dans les témoignages, dans les légendes, dans tous ces mythes qui donnent aussi un peu cette énergie et ce mystère suspendu au terme fantôme, il y a des choses explicables, mais beaucoup ne veulent pas l'expliquer parce que ça va tuer des mythes, ça va tuer des rêves, ça va tuer des croyances. Et à côté de ça, on passe à côté peut-être de choses qui sont réellement paranormales. Donc le terme paranormal, pour certains, peut paraître un petit peu... étrange, ça fait un petit peu mal de l'utiliser, on est vite jugé quand on parle de paranormal, mais au final, le paranormal, c'est un fait en science que l'on ne peut pas expliquer sur le moment. Et moi, j'aime toujours à dire que le paranormal d'aujourd'hui sera le normal de demain. La réalité que l'on côtoie aujourd'hui, c'est pas la réalité il y a un siècle. Il y a une évolution, il y a des changements technologiques, démographiques, scientifiques, pourquoi pas métaphysiques. Et ce que l'on ne sait pas sur les fantômes aujourd'hui, peut-être qu'on le saura demain. Et il y a une grande nuance entre l'inexplicable et l'inexpliqué. Et c'est toute cette nuance qui fait que le discours doit rester toujours rationnel et qu'il faut toujours avoir ce qu'on appelle le doute. Si on ne doute pas, dans ce cas-là, on ne cherche pas. Si moi, je croyais aux fantômes à 100%, j'aurais pas passé 15 ans de ma vie dans les lieux les plus étranges à, entre guillemets, essayer de les côtoyer. J'y crois, j'arrête, c'est du dogme. Mais c'est pas notre manière de penser. C'est pas comme ça, en tout cas, que j'ai enquêté depuis 15 ans et que j'ai écrit ce livre. Alors, le livre, il s'appelle donc La France Hantée, on l'a dit, est sous-titré Les aventures d'un chasseur de fantômes. Faut dire tout de suite que ce n'est pas un guide touristique, c'est-à-dire, vous allez dans tel endroit, telle abbaye, telle ruine, etc. Vous avez une chance sur deux de rencontrer ou d'entendre un fantôme. Ça pourrait être ça aussi, région par région. Ça pourrait être ça, et je me souviens que mon éditeur aussi, on avait parlé d'un guide possible, mais j'avais pas vraiment envie de faire une sorte de routard de l'étrange, parce que c'était pas la fonction, parce que ce que je voulais à travers le livre de La France Hantée, c'était donner un ouvrage à moitié entre l'essai et le roman, où je vais partager mon expérience et mon expertise pour dire voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai entendu, voilà aussi ce que j'ai découvert ou j'ai résolu, et voilà ce que on va dire quels sont les mystères qu'il reste. Ah, oui. Alors pour autant, il y a quand même une géographie de la France fantomatique, non? Une géographie? Je sais pas. Il n'y a pas des lieux particuliers. Alors, il y a des régions où effectivement, dues à l'histoire, comme on va dans le Périgord, au Château Cathare, il y en a énormément. Si on va en Normandie, en Haute ou en Basse Normandie, c'est pareil. Il y a beaucoup d'abbayes. Je pense principalement à l'abbaye de Mortemer, qui a fait tant de bruit pendant tant d'années. Et dont nous avons été les premiers à démystifier l'abbaye de Mortemer, cette fameuse légende et photo de Mathilde, qui était aussi un fait d'armes et entre guillemets un badge de crédibilité de notre démarche. Notre démarche a montré ses preuves. Rappelez-nous ce qu'était cette histoire. Alors, cette histoire, c'est le fantôme de Mathilde qui a été pris en photo en 1999 par une journaliste sur une pellicule argentique. Cette photo, effectivement, dessine un spectre un peu rougeoyant, un peu orangé. Donc, je suis daltonien, je vois pas très bien les couleurs, mais je sais que c'est dans ces gammes-là. Et elle a réussi à reproduire le cliché plusieurs années de suite. La pellicule argentique a été authentifiée par Kodak. À l'époque, il n'y a jamais eu de triche, de manipulation. Et puis, pendant des années, on nous avait refusé l'accès à cette abbaye, mais on est parti du principe que si un fait se reproduit au même endroit, au même moment, selon une façon précise, c'est qu'il y a derrière une explication naturelle. Il y a quelque chose. En général, les phénomènes un peu paranormaux sont aléatoires, ne se reproduisent pas selon une certaine mécanique temporelle. Et un jour, on a eu l'accès à cette abbaye. C'était le plus gros défi et le challenge à l'époque, puisque c'était en 2010. Voilà. Et puis la première nuit, avec une installation, une visualisation du lieu, de la topographie, des lumières, on a pris deux appareils photo avec des spécificités différentes. On s'est placé à différents endroits et petit à petit, on s'est entre guillemets rapproché du but et on a commencé à trouver cet éclairage jusqu'à être à un point de photographie où nous avons reproduit cette photo à 100%. Nous avons reproduit la même photo. Et ce qui était explicable et ce que personne n'avait vu, parce qu'il faut savoir que cette photo, elle a été passée dans beaucoup de magazines, de journaux, d'émissions de télé. Enfin, tout le monde en a parlé. C'est le fantôme, c'est un phénomène paranormal, c'est étrange. C'était pas du tout un phénomène paranormal. C'était une erreur de l'œil humain qui ne perçoit pas les ruines d'une chapelle qui est à une cinquantaine de mètres de où la photo est prise. Et il y a l'ancienne place de l'horloge et ce qui dessine un trou et ça fait une courbe humaine. Enfin, ça dessine cette silhouette fantomatique. Et dans un appareil photo, effectivement, à 50 mètres, on a l'impression de voir un fantôme, vraiment clairement, alors que l'œil humain, lui, perçoit une ruine. Et c'est ce différentiel qui a fait que, bon, bah, c'était un, entre guillemets, un piège. Alors, c'est quoi, voir un fantôme, finalement, c'est quoi? Parce que dans l'imagerie populaire, dans les livres d'enfants, voilà, dans toutes les histoires qu'on a pu lire, c'est quelqu'un avec un suaire blanc, des chaînes, et qui fait ouh, voilà, et qui traverse les murs. Exactement. Alors, mais là, ce n'est pas ça. Typiquement dans Belphégor, et je dis toujours, quand on me dit, est-ce que vous croyez aux fantômes? Je dis toujours, dites-moi ce que vous entendez par fantôme, et je vous dirai si j'y crois. Alors, je n'ai jamais croisé de silhouette avec un suaire blanc et des chaînes qui fait boue dans les couloirs. La nuit n'est pas finie, La nuit n'est pas finie, c'est vrai. Elle peut commencer, tout peut arriver, ça il faut le savoir dans une enquête. Un fantôme, ou en tout cas ce que nous on appelle une entité, parce que les fantômes c'est un peu le terme populaire, une entité est un mystère suspendu que l'on peut expliquer soit de façon temporelle ou énergétique, mais en tout cas il reste impersonnel. C'est très important à dire. J'aime toujours à dire qu'il ne faut pas donner d'identité, entre guillemets, à une entité, puisque nous n'avons jamais aucune preuve, aucune discussion claire et intelligible, comme on peut l'avoir entre êtres humains, qui peut nous dire « Bonjour, qui est avec moi dans le studio avec Philippe Garbit, est-ce qu'il y a une entité ?» Elle me dit « Oui, c'est Claude Gérard. » Non, ça n'est pas possible, ça n'est jamais arrivé. Donc un fantôme, déjà, c'est une impersonnalité. Ça peut être une énergie potentielle, suspendue, mais on ne peut pas lui donner de nom ou de prénom. Ça, c'est quelque chose, en tout cas, nous, on n'a jamais voulu s'axer, en tout cas, dans cette direction. Et je trouve même que c'est dangereux. Alors, je n'ai rien contre les médiums ou la médiumnité, mais j'en ai jamais rencontré, je vais dire, de crédible, à mon sens. Mais quelqu'un qui vous dit, vous savez, vous avez perdu un être, c'est votre tante, elle est derrière vous, elle est habillée en robe rouge, elle a la main sur l'épaule. Ça, ces personnes sont dangereuses. Il faut les fuir. C'est du dom, c'est de l'invention. Et il y a des gens qui, psychologiquement, sont fragiles et peuvent, à cause de ça, parfois aller jusqu'au suicide parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont encore capables de communiquer avec des êtres proches décédés. Ils sont hantés eux-mêmes, quoi. Ils sont hantés eux-mêmes. C'est une hantise psychologique. Ils s'auto-persuadent à cause de ces personnes de dire que bon, le fantôme, c'est mon papa ou c'est ma maman ou c'est ma sœur. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Alors que nous, dans nos enquêtes, on est toujours parti de ce protocole scientifique que nous ne pourrons jamais définir. Quelle entité, en tout cas, on a eu un contact où nous avons peut-être eu un message ou un visuel ou une preuve vidéo, enfin pas une preuve, un fait vidéo. On est toujours dans l'hypothèse que peut-être ce lieu, on va dire, il est tenté par, on parlait du fantôme de Mathilde. Si à tel endroit nous avons un phénomène enregistré sur un enregistreur numérique ou une vidéo, on va dire que peut-être que ça pouvait être le fantôme de Mathilde, mais ça pouvait être aussi une autre entité, ou une autre, ou X entité, mais bon, jamais. Ouais. Voilà. Alors, en tout cas, quand même, Anthony Augusto, soyons concrets, là, par exemple. D'accord. Parce que, d'accord, on a compris que vous ne vous déplaciez pas seul, vous ne chassez pas en solitaire le fantôme, ouais. Vous êtes avec un frère, avec des amis, et puis surtout avec deux, trois, quatre caméras, un enregistreur, enfin bon, tout ça a l'air très technologique. Ouais. Est-ce que c'est pour impressionner le lecteur de votre livre La France hantée, ou du coup dire, vous voyez, la technologie est derrière nous et alors vraiment, croyez en ce qu'on dit, ou c'est simplement parce que ça, vous-même, vous êtes dans le doute total et que vous avez envie d'être rassuré? C'est une excellente question. Il y a deux raisons principales à ça. La première, pourquoi nous avons toujours décidé de travailler en équipe? Parce que vous avez peur des fantômes. Malheureusement, je n'ai pas peur des fantômes. Ah. Je peux en tout cas avoir certaines appréhensions, parfois, et je le dis, on en parlera peut-être, et je vous en parlerai parce que je suis aussi là pour ça, de certaines enquêtes qui m'ont marqué. Nous travaillons en équipe parce que c'est une équipe hétérogène avec des points de vue différents et aussi des expertises différentes. Mais c'est aussi quand même pour créer comme ça au départ de l'angoisse, pour voilà. Alors il y a une création virtuelle de l'angoisse, mais c'est surtout que on est aussi parti du postulat que en science il faut toujours un témoin et un contre-témoin. Il faut un argument, il faut un contre-argument. Si demain j'enquête tout seul, je suis le propre témoin des phénomènes qui se passent et personne ne peut infirmer ou confirmer ce que je suis en train de dire. Travailler en équipe, c'est un travail de soutien, mais surtout d'argument ou de contre-argument. Si je travaille en binôme, si j'entends un bruit, je suis capable, en tout cas avec mon caméraman ou le preneur de son et la personne qui m'accompagne, l'autre enquêteur, de mieux définir est-ce que c'est un phénomène naturel, est-ce qu'il a été bien enregistré, est-ce qu'il a été à tel endroit. Et il faut savoir que nous, des fois, on enquête dans des lieux qui font plus de 10 000 mètres carrés et passer deux nuits, parce qu'il faut aussi, il y a aussi cette contrainte. Lorsque nous allons dans un lieu, le lieu appartient à quelqu'un. Des fois, il y a une location, il y a un prix à payer. On peut pas rester ad vitam aeternam. Mais c'est toujours la nuit. Et comme par hasard, c'est dans des ruines désertées, des souterrains, dans des donjons, etc., voire dans un pensionnat. Alors là, on va en parler de ce pensionnat. Vous voulez nous en parler, Antonio Augusto? On a dit que c'est la France hantée. Il y a quand même des détours par l'Italie, par Londres également. Mais voilà, allons en Haute-Loire. Ne parlons pas de tous les préparatifs technologiques, d'accord, tout ça, etc. Vous arrivez, vous êtes en groupe. On est en groupe. Troupe, nous sommes tous les six. Tribu. Voilà. Six. L'équipe de RIB, nous sommes tous les six. C'est pas un chiffre très, ça pourrait être sept, non? Ça serait encore plus. Alors, six, c'était plus simple, puisqu'on travaille en deux binômes, donc deux et deux quatre, et toujours deux au QG qui surveillent. Bon. Alors. Venons-en, en fait. Nous arrivons dans ce pensionnat, à l'entrée, qui était hérité par une Anglaise qui nous accueille les bras ouverts. Le lieu est très austère, puisque c'est un pensionnat qui était à la base un préventorium pour les enfants atteints de tuberculose et qui a servi pour aussi héberger les enfants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous avons reçu des témoignages sur des choses très étranges qui se sont passées dans ce pensionnat, des choses, quand ça touche aux enfants, c'est très compliqué. Je parlais tout à l'heure que nous essayons toujours de mettre de côté l'auto-persuasion. Donc, c'est-à-dire que nous nous conditionnons pour ne jamais avoir peur, puisque sinon, c'est une hantise psychologique, on crée nos fantômes. Et bien là, c'est la première fois en 10 ans, puisque c'était en 2013, au bout d'une dizaine d'années, où toute l'équipe, lorsque nous allons mettre la clé dans cette porte, nous allons ouvrir la porte lentement, va se dégager une atmosphère absolument spectrale, angoissante. Quelque chose qui nous prend aux tripes. On rentre dans ce lieu qui nous donne tout de suite l'impression qu'il a été fermé hier, alors que ça fait des années qu'il est fermé. Et lorsqu'on se déplace avec notre équipe, de façon très bienveillante, calme, on observe qu'il y a encore dans cette salle de jeu des balles au sol, des poupées. On descend au sous-sol, il y a l'ancienne partie radiologie avec des carnets de notes sur les enfants, sur ce qui se passait. Il y a des casiers avec les noms des enfants, avec leurs chaussures, leurs jouets. Et là, tout de suite, c'est extrêmement dur, même après plus de 10 ans d'expérience, de rester cloisonné pour s'empêcher cette auto-persuasion. Et on va dire que ce n'était que le début des surprises qui nous attendaient, et c'est devenu l'enquête de notre vie. On en parle toujours comme quelque chose qui restera gravé dans nos mémoires. Nous faisons nos installations, techniques. Et puis, lorsque vient la nuit, nous nous séparons. Donc, un binôme partira dans le bâtiment qui était le bâtiment de quarantaine où on enfermait les enfants. Et nous restons, nous, dans le bâtiment principal qui fait entre 6 et 7 000 mètres carrés sur 3 étages. Et ce qui est intéressant, c'est que cette première nuit commence lorsque mon frère et moi, nous restons au QG devant ce grand écran où on a nos caméras qui filment l'intégralité du lieu, donc tout est sous surveillance. Il faut savoir, l'après-midi, nous faisons les vérifications, nous fermons les portes, les fenêtres, on maîtrise notre environnement. On s'enferme pas dans un lieu la nuit sans savoir si on a bien cloisonné le lieu et si on maîtrise pas notre environnement. Très important. Et on sait à 100% que là, le pensionnat est cloisonné. Et puis, ça va commencer avec des bruits très étranges proches du QG, comme si quelqu'un marchait dans le couloir sur du verre, sur du plastique. On se retourne, je suis avec Nico et Arnaud. Ces bruits se répètent 2 ou 3 fois. Et à un moment donné, sur l'écran, nous voyons dans l'une des salles du pensionnat, qui est sûrement une centaine de mètres de nous, en tout cas du QG, une balle de tennis qui va rouler et qui va passer devant l'une des caméras de surveillance. Elle roule. Nous allons avertir le binôme qui est proche, et ils vont descendre, ils vont se rendre compte que bon, c'est une salle de 60 mètres carrés, il n'y a absolument personne dans le bâtiment, cette balle de tennis, on essaye de comprendre la trajectoire et de savoir d'où elle vient. Et puis là, tout va s'enchaîner absolument très vite. À une vitesse tellement folle, tellement inhabituelle, que nous sommes persuadés qu'il y a une présence humaine. Pour nous, c'est pas possible. La lumière de la cuisine va se retrouver allumée absolument toute seule alors qu'elle était éteinte. Il va y avoir une porte qui va claquer très fort dans le bâtiment. Pour nous, c'est sûr, le lieu est tenu secret, mais vous savez, dans les petits villages, les mots se passent vite. Est-ce que des jeunes savaient que nous étions en enquête ou en tournage, peut-être ? Nous allons appeler la gendarmerie, qui va venir sur place, à plusieurs reprises, avec un spot de lumière absolument incroyable qui éclaire la nuit, parce qu'il faut savoir que ce pensionnat, il est en rase campagne, il n'y a rien autour. Hein. Il n'y a pas une habitation à 2 km. Vous ne donnez pas le lieu exact ? Non, puisque la propriétaire, on n'en a pas souhaité à l'époque. C'est dans le centre de la France, voilà, c'est pas loin de Vichy. Le pensionnat est isolé, il n'y a rien, il n'y a que de la forêt, des champs, il n'y a pas de ville, il n'y a pas de route, il n'y a pas de voie ferrée, il n'y a rien. Les gendarmes ne trouvent rien, nous faisons le tour du bâtiment, toutes les portes sont fermées, les vitres sont bien fermées. Et puis là, ça va être absolument fou, puisque va s'enchaîner un bruit terrible comme une grille métallique qui va tomber au sol, qui est enregistrée sur nos deux caméras, dont une caméra est à 200 mètres du point d'impact de cet objet que nous ne trouverons toujours pas. Nous n'avons toujours pas découvert d'où venait ce bruit. Une coupure de courant d'un côté du bâtiment, et puis de l'autre, des lumières qui s'allument. Alors qu'elles s'allument, il n'y a pas de détecteur, ce sont des va-et-vient, et elles ne s'éteignent pas. Et le plus marquant, je vais parler aussi de mon histoire, c'est que au cours de la nuit, je vais me rendre dans cette salle de jeu des enfants où s'est passé des choses physiques terribles avec les enfants il y a des années en arrière, avec un certain monsieur F, dont on ne cite pas le nom, dans cette salle de jeu. Et je suis avec ma collaboratrice, l'enquêtrice Mariana, qui est aussi la documentaliste de l'équipe, et qui se retourne et a l'impression... la nette impression qu'une silhouette sombre passe derrière nous. Vous me parliez tout à l'heure, est-ce qu'on les voit, les fantômes ? Ce sont souvent ça. C'est très fugace, c'est rapide, c'est évanescent, c'est une silhouette. Très bien, nous nous retournons. Les premiers protocoles nous demandent toujours de regarder les sources de lumière avec le caméraman, d'où est-ce que cela peut provenir ? Bon. Et puis on se dirige un petit peu plus loin. Je m'approche, parce qu'il faut savoir que cette grande pièce, elle est vitrée presque en 360 degrés. Il y a des vitres, la lune est très claire dehors. Il n'y a pas de lumière urbaine où il n'y a rien. Mais on regarde par la fenêtre, est-ce que des gens sont peut-être à l'extérieur avec une lumière et que la lumière aurait projeté une ombre ? Et lorsqu'on s'approche de ces vitres avec Mariana, et j'en parle toujours avec terriblement d'émotion, nous allons entendre une petite voix. En tout cas, ce qui ressemble à un timbre féminin d'une petite fille qui va chantonner pendant 5 à 6 secondes. Nous nous arrêtons, on va dire crispés, dans l'incompréhension. Le caméraman enlève son micro, son casque, et nous dit « Mais vous avez entendu ?» Oui, tout le monde a clairement entendu, nous sommes tous les trois dans cette pièce, il n'y a absolument personne. Les deux autres personnes au QG sont à plus d'une centaine de mètres. Mais c'est pas ça le plus inquiétant. Le plus inquiétant, c'est lorsque nous allons donner cette bande sonore d'un autre technicien du son, qui est un spécialiste sonore. Il va le passer dans un logiciel spécial, enfin comme n'importe quel technicien du son. Il va analyser le son, les fondamentales et les fréquences. Et le lendemain matin, lorsque nous faisons le début d'analyse, il revient et nous dit « Bon, écoutez, j'ai fait l'analyse de ce son. Donc je vais être très clair, il n'appartient pas à ce qu'on appelle l'ambiance sonore. C'est-à-dire qu'il n'appartient pas aux fréquences et aux fondamentales de la salle. Il n'appartient pas à un son venant de l'extérieur. Il n'a pas de résonance. Il a fait ses calculs sur l'absorbance des matériaux ambiants. Il nous dit, par contre, il est sur une fréquence qui est bien, bien plus basse que vos voix humaines. Il est en dessous de 100 Hz. Ou 150 Hz, je sais plus, je veux plus dire de bêtises, mais il est en dessous des fréquences de voix humaines classiques. Et il dit, c'est un son qui était présent, mais qui n'appartient pas à la pièce. Et pire, il est articulé. Dans les fondamentales, il est articulé parce que ça chantonne. Et c'est là où nous, c'est là qu'on fait ça depuis 15 ans, c'est d'avoir ce genre de résultat. Vous me parliez de technologie tout à l'heure. La technologie, elle est utile simplement pour apporter des faits. Ce sont des outils pour factualiser, quantifier des résultats. Parce que si nous n'avions pas eu de technologie, entre guillemets, Bon, on aurait pu raconter, oui, on a entendu un son, c'était une petite fille qui chantonnait, et tout le monde aurait dit, oui, mais ça peut venir de votre imagination, ça peut venir n'importe quoi, un son à l'extérieur. Alors que là, nous avons une analyse factuelle qui nous dit, c'est un événement paranormal. Il est inexpliqué sur le moment, il est peut-être pas inexplicable. Dans 10 ans, on saura ce que c'est. Il y a, il y a vos questions dans le livre, donc oui. Antonio Augusto, sans aucune réponse. En tout cas, ces réponses, si, c'est etc. Mais voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut, aucune vous, idée. Vous c'est resté. Vous ne traduisez sans... pas le jeune fantôme pour l'instant. Non, on ne le traduit pas et on reste très précautionneux. Êtes-vous un enfant, un adulte? Quel âge avez-vous? Est-ce que c'est vous qui avez jeté la balle? Voulez-vous jouer avec nous? Y a-t-il une ou plusieurs personnes dans cette pièce? Pourquoi êtes-vous ici? Ce lieu vous rappelle-t-il de bons souvenirs? Là, j'entends non. Enfin, je sais pas, c'est vous traduisez oui. Non, N-A-N. Parce que lorsque nous avons eu cet événement, le lendemain, nous allons retourner dans cette pièce, munis avec d'autres appareils, puisque c'est comme un enquêteur. Lorsqu'on a certains résultats, il faut s'orienter sur les salles où on a des résultats et creuser. Et lorsqu'on revient le lendemain, on y retourne avec deux dictaphones numériques qui enregistrent en 360. Bon, ça, c'est la partie technique. Et nous allons justement questionner la possible ou les possibles entités qui pouvaient être dans cette pièce. Puisque comme nous, c'est une résonance et un timbre féminin, nous allons poser la question. C'est ça qui nous oriente. Je disais que le fantôme est impersonnel, mais on peut toujours s'orienter. Donc on pose des questions. Est-ce que vous êtes un homme, une femme, un enfant? Est-ce que vous avez vécu dans ce lieu ou non? Et on a un boîtier qui est un calculateur de champs électromagnétiques. Mais attention, il exclut toutes les fréquences industrielles. Donc certains vont dire, oui, vous savez, les radios, les téléphones portables. Donc nous, on enquête de façon hermétique. Il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas de radio. Ils ont été conçus spécialement. Et effectivement, après quelques questions, l'appareil va biper exactement à des réponses précises. Est-ce que vous êtes un garçon? Ça ne bipe pas. Est-ce que vous êtes une fille? Ça bipe. Est-ce que vous avez vécu des bons moments? Ça va biper. Est-ce que vous avez vécu de mauvais moments? Ça va biper. Donc on va s'approcher petit à petit, comme un puzzle, à remonter un peu le temps, je vais dire, ou remonter sur la trace de cette voix que l'on a entendue, pour se rendre compte que, potentiellement, c'est peut-être un enfant qui est dans cette pièce. Et en continuant, je vais dire, notre enquête sur ce pensionnat et cette séance de VP, donc de TCI, de transcommunication instrumentale. VP, c'est quoi ? Transcommunication instrumentale, c'est cette tentative de communication avec l'au-delà. Et on va, après, creuser un peu plus, et d'une façon un peu moins, je vais dire, respectueuse, parce que on va pas s'adresser aux enfants, on va s'adresser à Monsieur F, qui est supposé avoir fait ces choses terribles dans ce pensionnat avec les enfants. Et effectivement, les résultats vont être très étranges par rapport... aux enregistrements, vous parliez du non. Donc ça, il faut savoir que ces bandes sonores sont analysées toujours par un technicien du son, mais elles sont faites de façon très précise. On s'enferme dans une pièce et on ne laisse pas tourner un enregistreur numérique, puisque dans ce cas-là, on peut demain réécouter, avoir tout d'un. Il y a des gens qui posent leur dictaphone près de leur lit, ils dorment, et puis le lendemain, ils écoutent, puis ils disent oh, mais bon, on tousse, on bouge dans la nuit, on respire. Nous, on a des protocoles précis. Ce sont des enregistrements qui durent maximum 3 minutes. À chaque fois qu'il y a un bruit à l'extérieur ou un frottement de vêtements, on le notifie. Comme ça, à la réécoute, on sait exactement ce qui est naturel. Et ce non sera enregistré sur dictaphone. En tout cas, ça y ressemble. Ça fait un non. S'il n'y a pas de timbre féminin à ce moment-là, est-ce que c'est une autre entité, un garçon? Peut-être. On ne sait pas. Et ça, on ne donnera pas de réponse, puisque, comme je vous l'ai dit, on ne s'avance pas. On est simplement là pour relater des faits et pour dire après au lecteur, choisissez votre camp. Voilà. Alors, ce que j'ai ramené. Antonio Augusto, question naïve. Oui. Pourquoi les fantômes seraient-ils là? Enfin, pourquoi les personnes mortes? D'abord, tout le monde n'est pas mort dans ce pensionnat. C'était pas le principe. Il n'y a pas eu de rafle des Allemands. Non, il n'y a pas eu de rafle. C'est pas été le cas. Allemands. C'est pas ça. Non. Alors, il y a eu un prédateur, semble-t-il. Oui. Mais ces enfants ne sont pas morts dans ce lieu. Le prédateur non plus. Donc pourquoi pour votre plaisir finalement, enfin votre angoisse, votre anxiété, votre travail, votre quête de chasseur de fantômes, pourquoi serait-il au rendez-vous cette nuit-là? Il faut savoir que les témoignages que l'on a reçus sur ce lieu sont assez flous, mais décrivaient quand même des mystères. Certains enfants auraient, un enfant auraient peut-être disparu, d'autres enfants auraient subi des atrocités entre guillemets physiques, mais effectivement il n'y a pas eu de mort. Pourquoi s'être rendu sur ce lieu? C'est vraiment pour je comprends bien pourquoi vous êtes allé, mais pourquoi les fantômes? Pourquoi les fantômes seraient-ils là? Il y a plusieurs théories. La première des théories, c'est que lorsque dans nos vies, là, en tant qu'être humain, vous comme moi, nous pouvons laisser des traces énergétiques dans certains lieux. Ces traces énergétiques sont liées à des événements marquants de notre vie. Une naissance, une mort, une joie, une perte. Certains scientifiques essayent de comprendre pourquoi l'énergie que l'on dégage peut parfois rester en suspension dans des lieux. Donc c'est ce qu'on appelle une énergie potentielle. On peut imaginer que ces enfants ont vécu des choses terribles et ont laissé dans ce lieu comme des traces. Comme si demain je vais dans un lieu, je vais laisser peut-être des traces de pas qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Pourtant, elles sont bien là. Est-ce qu'il peut y avoir un fantôme de quelqu'un qui n'est pas mort? C'est possible si on part de la vision de la science quantique, la physique quantique. Là, bien sûr, et nous, c'est vraiment ce vers ce quoi on se penche le plus. La physique quantique qui est bien sûr hors de portée de tout le monde, et moi, je ne la maîtrise pas, et n'importe qui dit qu'il maîtrise la physique quantique se trompe, mais on peut partir du principe qu'un fantôme peut être une personne vivante, au même endroit, au même moment, mais dans ce qu'on appelle une fréquence ou une dimension parallèle. Ces fréquences, je l'explique dans mon livre, je parle du CERN, donc le CERN c'est quand même un des plus grands centres au monde qui est à côté de chez moi. De Genève, là, tout à fait. Et ils étudient la Rainbow Gravity. Pour ne pas rentrer dans trop la partie technique, je laisserai au lecteur le soin de prendre note dans mon ouvrage. Nos vies sont des feuilles de dés que l'on empile les unes comme sur les autres, comme un millefeuille, comme un livre. Et une goutte d'eau, où on peut parler de ces traces énergétiques dans nos vies, peuvent mouiller d'autres pages et d'autres univers. Et comme des ondes radio, elles peuvent parfois s'entrecroiser pendant un bref instant. Et lorsque ces deux fréquences s'entrecroisent, ou en tout cas ces deux univers parallèles, est-ce que nous ne sommes pas en contact avec des personnes vivantes ailleurs ou dans une autre époque? C'est ça que nous appelons fantôme. J'ai entendu un bruit. Mais est-ce que ce bruit ne vient pas d'une autre époque ou d'une autre fréquence? C'est pas quelque chose qui est physiquement avec nous. Donc ça, c'est une autre théorie. Voilà. La théorie la plus populaire, c'est que lorsque l'on meurt, les fantômes restent dans notre univers sous forme d'énergie et peuvent avoir des interactions un peu physiques ou sonores ou visuelles avec nous. Et bien sûr, je tiens à le préciser. Et la dernière hypothèse, c'est que les fantômes peuvent aussi être une simple création de l'esprit chez tous les êtres humains, puisque l'être humain est quand même le seul animal qui a conscience de sa propre mort. Et est-ce que nous vivons pas toute notre vie avec ce distillateur d'espoir, de se dire on n'a pas envie de mourir? Donc on se rassure en disant que nous resterons en vie dans notre mort. Vous dites que vous écrivez, Anthony Augusto, que le premier ennemi du chasseur de fantômes n'est autre que lui-même. Alors, on a compris qu'il se passe des tas de choses dans certains pensionnats. En lisant ce livre qui fait combien, 700 pages, 800 ouais, pages 600 pages à peu 600 près. Pages. On va se promener, enfin le mot n'est peut-être un petit peu léger comme ça, mais enfin dans la France hantée, puisque c'est le titre, et suivre vos aventures, et celles du groupe, les aventures d'un chasseur de fantômes. Il y a beaucoup d'autres endroits, alors on n'a plus que quelques secondes pour dire, mais la Bretagne, la Normandie, le Périgord, et puis aussi un petit peu donc hors de France, Londres et puis l'Italie, mais on a l'impression que tout se recoupe, même dans les étymologies, il y a des mots italiens qui font penser à un mot français, en fait, etc. Bon, on laisse au lecteur, Anthony Augusto, le plaisir inquiet de vous lire. Donc, La France Hantée, les aventures d'un chasseur de fantômes, c'est publié aux éditions de L'Opportun. Et cette nuit, des fantômes se poursuit avec des fantômes que vous connaissez certainement bien. Un fantôme que vous connaissez certainement bien, Anthony Augusto, c'est celui de Canterville.